Mbeke FM, cette émission est une rediffusion. Au cœur de la lecture. Au cœur de la lecture, c'est votre émission qui vous permet de vous découvrir en découvrant le monde. Au cœur de la lecture, c'est une émission sensationnelle qui vous ouvre les portes de l'univers et vous livre les secrets de la vie. Au cœur de la lecture, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis, et c'est nulle part ailleurs que sur la radio Beke FM. Présentation, Émilie Nguesson, Esther Zeregbe. Au cœur de la lecture, vous embarque jusqu'au bout du monde. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio 2.0, la radio qui émane jusqu'au bout du monde, vous êtes dans votre émission Au cœur de la lecture et nous vous souhaitons les bienvenus dans votre univers. Émilie Nguesson au microphone pour vous conduire tout au long de cette émission. Aujourd'hui, dans votre émission Au cœur de la lecture, nous allons prendre en ligne un grand écrivain nommé Monsieur Ivan Adepo. Alors restez connectés car nous avons plein de choses à découvrir sur ce grand écrivain. D'ici là, restez connectés et on vous revient. Oh, tricky de tricky. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non, je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, casser toutes mes montres, peu importe que ça va me coûter. Quand j'aime, le temps doit pas s'écouler. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh c'est lui qui sait. Et son plan est déjà calé. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Guérir tous tes bobos, ma chérie. Je ne peux plus souffrir, souffrance même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses à te dire. Allez, donne tes larmes, redonne tes cris. Tout ce qu'ils t'ont fait, on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Allez, prends-moi tout, garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux. Oh baby, I love, I love, I love, I love. De retour sur le plateau dans votre émission Au cœur de la lecture. Avant de nous entretenir avec notre écrivain, nous allons découvrir ensemble qui est Ivan Adepo. Ivan Adepo est un jeune Ivoirien âgé de 16 ans. Il réside actuellement à Accra, au Ghana. Il est élève en classe de terminale. En 2019, il devient le plus jeune écrivain de Côte d'Ivoire avec la parution de son premier roman, Rose Miller, à l'école royale. Et maintenant, recevez avec nous M. Ivan Adepo. Bonjour M. Ivan. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ben, moi, c'est Émilie Nguesson. Enchantée de vous connaître. Pareil. Alors, vous êtes bien sûr dans votre émission, hein, au cœur de la lecture. Alors, Monsieur Ivan, nous avons quelques questions à vous poser sur votre, vos romans, etc. et tout. Et donc, on aimerait savoir. Oui, on aimerait savoir qui est véritablement Ivan Adepo. Je suis un jeune garçon de 16 ans. J'habite au Ghana depuis bientôt 5 ans maintenant. D'accord. Je ne sais pas quoi d'autre je pourrais rajouter. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est compris. Alors, une autre question pour vous. Quel est le titre de votre œuvre? Donc, j'ai publié deux œuvres, un roman, une pièce de théâtre. Le roman s'appelle Rose Miller à l'école royale et la pièce de théâtre s'appelle La Fuine. D'accord, super. Alors, j'aimerais savoir d'où vous vient cette inspiration. Comment est-ce que, étant si jeune, vous êtes écrivain, si talentueux, on aimerait savoir un peu d'où vous vient cette inspiration-là. Je lis beaucoup de livres, de romans, et puis plus récemment aussi, j'ai commencé à lire des pièces de théâtre. Mm-hmm. Et je tire mon inspiration principalement dans ce que je lis et puis aussi dans mon environnement, dans ma famille, à l'école aussi et tout ça. D'accord, c'est compris. Alors, aujourd'hui, on a remarqué que les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture. Alors que vous êtes tellement jeune et vous êtes écrivain, vous êtes si talentueux. Alors, est-ce que vous avez, on peut vous demander, qu'est-ce que pousse la jeunesse d'aujourd'hui à ne plus s'intéresser à la lecture? Pour être honnête, je comprends certaines personnes qui n'aiment pas lire parce qu'il y a différents types de genres littéraires aussi et puis il y a différents types d'histoires. Mm-hmm. Il y a des histoires qui peuvent ne pas plaire à certains mais qui peuvent plaire à d'autres. Par exemple, moi, j'arrive à lire facilement des livres de science-fiction, d'aventure, mais je n'aime pas vraiment lire des livres sur des séries réelles ou choses comme ça. Donc, je comprendrais que des gens n'aime pas ces livres. Et puis, en Côte d'Ivoire, mm-hmm. je pense que c'est plus ce genre de livres-là qui sont connus. Les gens ne lisent pas beaucoup de science-fiction ni de romans fantasy. Donc, ils ne connaissent pas vraiment ça. Pourtant, il existe plusieurs romans qui ont inspiré des films qui aujourd'hui sont, font partie de notre pop culture. Donc, je pense mm-hmm. que vraiment, les gens, les jeunes devraient se documenter sur ce sujet. Et puis, ils pourront peut-être trouver leur bonheur. D'accord, super. Alors, vous avez commencé à écrire depuis quel âge? J'ai commencé il y a vraiment très longtemps. Je pense que je devais avoir 11 ans ou 10 ans. Mais wow. J'ai publié mon premier roman à 12 ans. Mm-hmm. D'accord. Alors, votre titre, par exemple, Rose Miller à l'école royale. Vous avez sorti cette inspiration d'où pour écrire ce beau roman-là? Par exemple, par expérience personnelle ou par la société? En fait, je me suis fortement inspiré de la série de romans de J.K. Rowling, Harry Potter. Mm-hmm. J'ai commencé à lire les tomes quand j'avais 9 ans. Et j'ai beaucoup aimé ces livres. Jusqu'à présent, je continue à lire les livres ou à regarder les films de temps en temps. C'était vraiment ça, l'inspiration première pour ce roman. D'accord. Et quel message voulez-vous véhiculer à travers ce beau roman? Pour être honnête, je n'avais pas vraiment de message à véhiculer. Je voulais juste partager ma passion, montrer à ma famille surtout mm-hmm. ce que j'aime, de quoi je suis capable aussi. D'accord. Je sais qu'ils sont d'ailleurs fiers de vous et nous aussi, nous sommes très, très fiers de vous. Alors, on va passer au roman de La Fuine. Voilà, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce roman-là? En fait, l'année dernière, je me suis inscrit à l'option théâtre de mon lycée. On avait étudié une pièce de théâtre qui s'appelle ADN de Denis Kelly, mm-hmm. qui raconte à peu près la même histoire que ce que j'ai essayé de faire. D'accord. C'était là mon inspiration. Et puis je me suis aussi beaucoup inspiré de ce qui se passe autour de moi notamment dans mon école ou avec mes sœurs aussi de temps en temps. D'accord. Et donc, ces romans-là ont été publiés en quelle année? Par exemple, La Fouine, par exemple. Oui. Ça a été publié en quelle année? Ça a été publié en 2023. En 2023, d'accord. Et Rose Miller? En 2019. En 2019, d'accord. Bravo. Alors, pour vous permettre de reprendre vos souffles, nous allons faire une courte pause et on revient. Nous sommes de retour après cette pause. Nous sommes toujours accompagnés par notre talentueux écrivain, jeune et talentueux, bourré d'expérience. Alors, nous sommes avec Ivan Adepo. Alors, nous sommes là, monsieur Ivan. Vous tenez toujours le coup, ça va? Oui, oui, ça va. Merci. D'accord. Alors, j'ai encore une autre question pour vous. Alors, aujourd'hui, on a constaté que les jeunes ne s'intéressent plus aux romans, aux livres, parce qu'ils se disent que c'est ennuyant. Donc, pourquoi prendre du temps à lire un roman alors qu'on a d'autres choses à faire sur les réseaux sociaux et tout? Alors, comment est-ce que vous vous prenez, en tant que vous écrivain, comment est-ce que vous vous prenez pour que votre roman soit lu par les lecteurs, par exemple? Comme moi, je vous l'avais dit tantôt, je pense vraiment qu'il existe plusieurs type de littérature, il y a forcément un qui peut plaire à des personnes. Moi, je dis qu'il faut continuer à chercher, chercher jusqu'à ce qu'on trouve de gens qui nous correspondent. Et puis, quand on a trouvé de livres qui nous plaisent vraiment, je pense qu'on se laisse emporter dans l'aventure. On commence à découvrir un nouveau monde, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis, on se laisse juste aller. On attend, on dévore les livres jusqu'à ce qu'ils finissent et après on cherche un autre de la même manière. Donc je pense vraiment qu'il faut chercher. Si on veut vraiment se mettre à la lecture, il faut chercher longtemps pour savoir ce qui nous correspond vraiment et s'y mettre. D'accord, bien dit, bien dit, bien dit. Et donc, monsieur Ivan Adebo, par exemple, vous êtes écrivain, vous êtes un très grand écrivain. Quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse d'aujourd'hui pour les pousser? Par exemple, un jeune veut écrire, aussi un écrivain comme vous. Et quel conseil vous pouvez donner à ce jeune-là? Le conseil que je peux donner, c'est vraiment de se lancer, de croire en ses rêves, de ne pas se minimiser, de vouloir toujours aller de l'avant et s'entourer aussi de bonnes personnes. On peut toujours compter sur l'aide de sa famille. Et puis, je pense vraiment qu'ils se feront un plaisir de pouvoir vous aider si ils savent que vous lancez dans une cause aussi passionnante que l'écriture, on va dire. Donc, je pense vraiment que c'est ça. Il ne faut pas se minimiser et puis s'entourer des bonnes personnes. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Ivan. C'est gentil. Vous comptez écrire d'autres livres aussi, encore? Pas d'aussitôt, je ne pense pas. D'accord. Et donc, si vous arrivez à que vous voulez écrire un roman, par exemple, ça va porter sur quoi, par exemple? Vraiment, je ne pourrais pas vous dire parce que actuellement, je ne pense pas vraiment à l'écriture. Je suis en terminale. Il y a des enjeux un peu plus grands comme le bac actuellement. Et c'est vraiment ma priorité. Et après, peut-être après le bac, je ne sais pas, peut-être que je voudrais écrire quelque chose. Et puis là, je réfléchirai à ce sur quoi ça peut porter. Ça dépend si je trouve une source d'inspiration ou que je réfléchis moi-même sur quelque chose qui me plaît. D'accord. Et j'aimerais savoir, lorsque vous avez écrit La Fouine, vous étiez en quelle classe? En classe de première. Première. Et Rose Miller? En cinquième. En cinquième. Waouh. Waouh. Waouh. Alors, j'aimerais que vous expliquiez un peu votre œuvre. Par exemple, qu'est-ce que vous dites dans votre œuvre, par exemple, Rose Miller, par exemple? En fait, dans Rose Miller, c'est une histoire fantasy d'une jeune fille qui apprend un jour qu'en fait, elle est la fille perdue d'un roi et d'une reine. Elle a vécu avec le peuple toute sa vie. Elle ne s'y connaissait vraiment pas. Donc, pour apprendre les bonnes manières, elle part dans une école réservée à l'élite, mais elle ne s'y sent pas vraiment inclue. Et en ça, il y a des complots qui émanent. Donc elle décide, elle avec ses amis, de sauver l'école, d'essayer de déjouer le complot. Oui, oui, d'accord. Et le cas de la fouine? C'est l'histoire de trois amis qui, lorsqu'ils apprennent la mort d'un de leurs camarades de classe, décident de faire croire à tout le monde qu'il était leur meilleur ami dans le but de pouvoir se mettre sous le feu des projecteurs. Mais à force de toujours vouloir être au centre de l'attention, ils finissent par se faire remarquer par des personnes mal intentionnées. Et puis, ça leur coûtera cher à la fin. D'accord, merci. Alors, dites-moi, quel est l'intérêt de votre œuvre, par exemple? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. L'intérêt de votre œuvre. Par exemple, l'objectif. Par exemple, voilà. En fait, pour la suite, ça faisait très longtemps que je n'avais plus écrit. Donc, je voulais vraiment me relancer dans ce projet. Puis, je cherchais, longtemps chercher sur quoi est-ce que je pouvais faire. Et puis, comme je l'ai dit, je me suis inspiré d'une pièce de théâtre qu'on avait écrite, qu'on avait étudiée en cours plutôt. Et j'ai modifié un peu. Et puis, vraiment, la morale que je voulais dégager, que je voulais montrer aux gens en écrivant cette pièce de théâtre, c'est que finalement, il ne faut pas toujours vouloir être au centre du tout. Parfois, il faut se faire petit et puis accepter plutôt que de vouloir être extravagant, se faire remarquer par tout le monde et tout. D'accord. Et donc, vous pensez, par exemple, est-ce que tout le monde peut écrire ou il faut je avoir... pense vraiment... Oui, allez-y. Je pense vraiment que tout le monde peut se lancer dans l'écriture, tout le monde peut se lancer vraiment dans tout. Mmh. Je pense avec de la volonté et puis un peu de savoir-faire quand même, mais bon, le savoir-faire, ça s'acquiert avec la volonté aussi. Je pense qu'avec ça, on peut vraiment se lancer dans tout, faire dans tout ce qui nous tient à cœur. Mmh. Du moment qu'on aime vraiment cette chose et que ça nous passionne, je pense vraiment qu'on peut y arriver. D'accord, c'est compris. Alors, je vais vous permettre de souffler un peu et on va passer à d'autres questions. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces doux appellas, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, oh non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages, pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages, pour d'infinis vendanges. Nous sommes de retour après cette courte pause. Monsieur Adepo, vous êtes là? Oui. Voilà, et voilà, j'aimerais vous demander quelque chose. Par exemple, oui. Lorsque vous étiez tellement jeune, lorsque vous avez commencé à écrire et tout, Alors qu'un jeune de votre âge prenait son temps à s'amuser, à jouer, et vous, vous êtes concentré sur un livre. Est-ce que vous êtes arrivé à avoir des moments de loisir? Mais oui, bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui comprenaient que, certes, l'école est importante, mais il faut aussi pouvoir s'amuser. Donc, mes parents m'ont toujours permis de pouvoir m'épanouir autant que je voulais, à faire des activités, à voyager également. J'ai aussi des amis avec qui je vois pratiquement tout le temps. D'accord. Donc vraiment, on peut dire que je me sens épanoui. Mm-hmm. Et puis que l'écriture, ça n'a pas d'impact sur ma vie sociale. D'accord. Alors, lorsque vous avez écrit Rose Miller, ça vous a pris combien de temps, combien de mois, par exemple, pour terminer l'œuvre? Je ne me souviens pas exactement, parce que c'était vraiment trop longtemps. Je dirais peut-être entre 1 et 3 mois, je pense. D'accord. Alors, si on vous demandait, par exemple, quelles sont les techniques à adopter pour pouvoir écrire un beau roman comme le vôtre? Je dirais d'abord, il faut se discipliner et puis s'instaurer des moments de travail. Faut vraiment pouvoir se dire que je vais réussir à travailler, parce que souvent quand on n'a pas d'obligation, parce que on n'est pas obligé de le faire, donc on se dit que ça peut-être attendre. Donc faut réussir à se discipliner et puis se dire vraiment que je me suis lancé dans un projet, je vais m'y tenir. Et puis ensuite faut se relire plusieurs fois longtemps, et puis demander aussi l'avis des autres, parce que là, c'est les autres qui vont dire votre roman, c'est pas vous. Donc faut être ouvert aux critiques et puis s'adapter en fonction de ça. D'accord, c'est compris. Alors, pour vous, écrivain, ne pensez-vous pas que vous devez utiliser de nouvelles méthodes, par exemple, qui s'adaptent à la génération d'aujourd'hui? Et par exemple, moi, quand j'écrivais ma pièce de théâtre, je voulais mêler le côté formel de la littérature et puis en même temps le côté familier du langage courant. Oui. Et puis c'était très difficile, parce que d'un côté, il faut quand même que le livre soit digne d'être publié. Donc il faut qu'il ait un peu de formalité quand même. Mais d'un côté, s'il est trop formel, ça ne va pas intéresser les gens. Surtout que le public visé était les jeunes, donc il a fallu s'adapter. Tantôt utiliser un langage formel et ensuite un langage familier pour réussir à vraiment créer, rendre les personnages les plus humains possible, parce qu'au final, il faut qu'on puisse s'adapter à eux. Donc j'ai essayé de faire comme de vrais jeunes, de leur faire parler aussi comme des adolescents. Donc pour ça, il faut vraiment utiliser beaucoup de familiarité quand même. Et puis en plus, comme ça attire plus les jeunes, je vais dire, parce que le style d'écriture n'est pas trop fatigant. Il est plus comme ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut réussir à faire ça. D'accord. Alors, quels sont vos différents projets pour l'avenir? Pour le moment, mon projet le plus important, c'est d'avoir mon bac. Et puis ensuite, je pense que l'avenir nous dira pour le reste. D'accord. Alors, d'accord, c'est compris. Maintenant, après le bac, par exemple, qu'aimeriez-vous faire? Moi, je voudrais bien faire des études de commerce. Je ne suis pas encore sûr à 100% de ce que je vais faire. Mais pour le moment, c'est ce qui m'anime. Mais je ne sais pas si je voudrais changer plus tard. D'accord. Alors, pensez-vous revenir en Côte d'Ivoire ou vous allez rester toujours à Accra? Je reviens en Côte d'Ivoire pratiquement chaque vacances. Donc, je pense que je vais pouvoir y revenir. D'accord. Et cette année, la Cannes, c'est chez vous, hein? Alors, pourquoi l'être... je ne veux pas vous demander ça, parce que vous êtes en classe oui. Vous allez composer bientôt. Oui. C'est pas grave. Alors, j'espère que lorsque vous allez revenir en Côte d'Ivoire, vous allez passer à la radio ici, hein, pour nous saluer. J'espère. D'accord, on vous reprend. Hein. On vous reprend. Ne raccrochez pas. Vous dites. Ne raccrochez pas, on vous reprend tout à l'heure. D'accord. Me. Retour en studio, nous sommes toujours avec notre grand écrivain, jeune homme bourré de talent. Alors, monsieur Ivan Adepo, nous sommes pratiquement à l'heure. On voulait demander votre mot de fin. Pour finir, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. D'accord. Et puis, dire aux gens qui écoutent que s'ils ont des projets, je pense vraiment qu'ils devraient se lancer. Et puis ne pas écouter les avis négatifs qu'ils pourraient avoir. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Okay. Et puis de toujours se rappeler qu'il y a des choses sérieuses dans la vie, qu'il y a des priorités et que ces priorités doivent passer avant toute chose. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission parce que vous nous avez apporté beaucoup. Grâce à vous, je pense bien que nos jeunes frères vont prendre conseil sur vous et se lancer dans les projets. Ils vont plus s'intéresser à la lecture parce que vous êtes tellement jeune et aujourd'hui vous êtes écrivain. Je pense que ça va conseiller les jeunes. Alors, nous vous disons au revoir, bye bye et portez-vous bien ainsi que votre famille. Au revoir, merci beaucoup, à vous aussi. C'est un pays, on n'écoute pas les jaloux. Si tu vois deux personnes qui s'aiment et que tu ne peux les aider, laisse-les tranquilles. Il ne tient qu'au bout d'un fil. Vraiment trop sensible. Il ne choisit pas ses cibles. Que tu le croises à l'Ivoire ou au marché d'Adjamé, l'amour a toujours le même visage. Si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Même au plus grand docteur, je ne saurais l'expliquer, parce que c'est plus fort que moi. Même au plus grand chercheur, je ne saurais l'expliquer, parce que c'est plus fort que moi. Mais une chose est sûre, c'est que je t'aime, parce que je t'aime un point, c'est tout. Juliette Ancien, Dorothée Adou. L'amour est un sentiment réciproque entre deux personnes, et non entre 10. Maman Fernande, Flo Chantal, Marie-Claire Beauvin, des Côte d'Ivoire. On est hier en Cosséné. Oh, assez y bené. N'y peigne manua gayirimio. Sapole ya yao. On est hier en Mélé. Oh, assez y bené. N'y peigne gale oléo. Valele ya yao. O colema folema. Antoinette, Noël Guéillot, JJ Monique. Comme un oiseau rebelle que nul ne peut opprimer, il est comme le vent qui pousse la feuille dans le trou, mais qui ne peut l'en sortir. Ainsi va la vie et ainsi vit l'amour. Tu veux faire le malin, tu vas mourir de chagrin. Va où ton cœur t'emporte, lui seul t'ouvrira les portes. Mon frère, vis ton amour comme tu le ressens jusqu'au dernier de ses jours. Lili Corée, Lili Nyoleba. Toujours à s'occuper, s'occuper du foyer des autres. J'ai vu ton mari avec la fille Bombelle en question, en train de lever, en train de s'amouracher, rien que pour vous voir souffrir. Tapez en haut. Félicité de Parma. De la lecture. Au cœur de la lecture, c'est votre émission qui vous permet de vous découvrir en découvrant le monde. Au cœur de la lecture, c'est une émission sensationnelle qui vous ouvre les portes de l'univers et vous livre les secrets de la vie. Au cœur de la lecture, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis, et c'est nulle part ailleurs que sur la radio Béké FM. Présentation, Émilie Nguesson, Esther Zerébé. Au cœur de la lecture, vous embarque jusqu'au bout du monde. Béké FM, c'était une rediffusion.